éperdument. Danse, danse ma romance, puisque toi seul as la chance d'être près de mon amour toujours, toujours. Eh oui, danse ma romance, nous dit la chanson. Eh bien, dans cette émission qui va suivre, nous aurons l'occasion, eh bien, d'écouter bien des anciennes chansons. Car vous le savez, dans le follow toujours quelque part, faire appel à sa mémoire et revenir à quelques années en arrière. Parce que nous sommes à la veille. Nous sommes à la veille de Noël, comme vous le savez, et à la veille de Noël, il est bon de rappeler aussi toutes ces chansons, ces vieilles chansons, mais aussi de nouvelles chansons de Noël. Donc cette émission sera basée, bien évidemment, dans sa deuxième partie, eh bien, sera basée sur toutes ces chansons de Noël que nous avons et que nous continuons à fredonner. Voilà. Allez, on est parti dans cette émission. On est parti. Nous avons donc écouté « Danse ma romance ». Eh bien, nous allons maintenant écouter « Il y a bal dans ma rue ». Jamais encore on avait vu une telle gaieté, une telle folie. Il y a bal dans ma rue. Et dans le petit bistrot où la joie sous la peau, des musiciens perchés sur un tréteau. Se sent un peu ému, peut-être bien qu'on a trop vu, il y a bal dans ma rue. Il était si beau que lorsqu'il me sortait, aussitôt tout le monde sur lui se retournait. J'étais si fière de lui, j'ai pas pu résister à ma meilleure amie. Un jour je l'ai présenté. Il s'enfuit immédiatement. Ils se sont mariés ce matin. Ils formaient un couplet battant. Et moi j'étais témoin. Et voilà pourquoi. Ce soir il y a bal dans ma rue. Jamais encore on avait vu une telle gaieté. Il y a mal dans ma rue. Et dans le petit bistrot où la voix sous la peau, des musiciens perchés sur un tréteau. Tous les amoureux qui tournent de par deux, le rire aux lèvres et les yeux dans les yeux. Ce soir il y a bal dans ma rue. Jamais encore on n'avait vu telle gaieté, telle folie, il y a bal dans ma rue. Nous continuons avec Jolie valseuse de France.

ses yeux, aussi purs que l'azur du printemps. Pour eux, j'avais écrit le plus beau roman. Toi, qu'as-tu fait du bonheur? Oh, toi, continuer à danser, puisque quand tu danses, c'est la suite toujours et encore. Quand tu danses, mais sans se casser la gueule, hein, ce sont les deux morceaux que nous allons entendre tout de suite. oui. Oh oui, oui, oui, oui, oui. Allez. Et allez. Allez. Oh, terrible. Quand tu danses, danses, danses devant moi, je sens mon cœur qui bat au rythme de tes pas. Quand tu danses, danses, danses devant moi, je sens la vie qui va. Et je pense, pense que jamais, jamais tu ne devrais t'arrêter de danser. Alors danse devant moi, je t'en supplie, n'arrête pas. J'ai besoin ce soir de tout oublier. J'ai besoin de te regarder danser. La cadence danse de tes pas me grise et je ne sens plus autre chose en moi qu'un immense, immense feu de joie brûlant mon corps du haut en bas. Dans ma tête en feu, je sens peu à peu la folie qui m'envahit et me trouble les yeux. Et je ne vois plus que tes gens venus, ça ravande de légende, monde merveilleux. Tes yeux. Quand tu danses, danses devant moi, je sens mon cœur qui bat au rythme de tes pas. Quand tu danses, danses devant moi, je sens la vie qui bat. Et je pense, pense que jamais, jamais tu ne devrais t'arrêter de danser. Alors danse, danse devant moi, je t'en supplie, n'arrête pas. L'assemblée a dévoré le veau gras et l'alcool commence à faire du dégât. L'alcool, l'alcool coule à flot. L'alcool, l'alcool coule à plein ruisseau. Et tu danses, danses devant moi, je t'en supplie, n'arrête pas. Et danse, danse devant moi, je t'en supplie, n'arrête pas. Hey. L'alcool coule à flot. L'alcool, l'alcool coule à plein ruisseau. Et tu danses, danses devant moi, je t'en supplie, n'arrête pas. Et tu danses, danses devant moi, je t'en supplie, n'arrête pas. N'arrête pas. Il était cordonnier, il vivait au grenier et ne pouvait descendre sans trembler ou sans gémir sur son triste avenir. Il lui semblait entendre sous l'aise au vent passer le vent, un vent de peur et de terreur. Quelqu'un raillait, quelqu'un riait, soufflait tout bas. Il va, il va se casser la gueule, se casser la gueule, se casser la gueule. Attention, se casser la gueule, se casser la gueule, se casser la gueule. Précaution, se casser la gueule, se casser la gueule, se casser la gueule. Émotion, se casser la gueule, se casser la gueule, se casser la gueule. Obsession, ah vieux grigou, nous te prendrons tes gros sous. Dans le haut du vieux clocher, il voulut se cacher, butant à chaque pierre. Il arriva au sommet, pensant que désormais finirait sa misère. L'orage vint, c'était un grain, de gros éclairs traversaient l'air. Le sol trembla, tout s'écroula, le vieux tomba, ralent, tu vas. Te casser la gueule, te casser la gueule, te casser la gueule. Attention, te casser la gueule, te casser la gueule, te casser la gueule. Précaution, te casser la gueule, te casser la gueule, te casser la gueule. Émotion, te casser la gueule, te casser la gueule, te casser la gueule. Obsession, tous ces voyous croient qu'ils auront mes gros sous. Quand l'orage fut passé, on vint le ramasser pour le mettre sous terre. Et pour voler ses écus, tous les gueux accourus sur son corps se penchèrent. Mais le bon vieux semblait joyeux, le vent riait, la pluie raillait. Tous les oiseaux dans les ormeaux, dans les buissons chantaient. Il va se casser la gueule, se casser la gueule, se casser la gueule. Attention, se casser la gueule, se casser la gueule, se casser la gueule. Précaution, se casser la gueule, se casser la gueule, se casser la gueule. Émotion, se

frémir comme un oiseau brisé au vertige d'un baiser. Va lasser dans l'ombre entre tes bras, tourner, tourner sans bruit, bercer ton ombre sur mes pas, valser avec la nuit. Allez, on termine avec, on termine, encore, on a encore un petit moment devant nous, hein. Nous allons continuer d'abord avec Castagnette et Tango, ainsi que Joyeux Baladin. Amour, amour, quand tu nous tiens, amour, amour, tu nous tiens bien, ton corps blotti contre le mien, dansons castagnette et tango, olé, ici la brise est parfumée du goût léger des orangers. De joie de vivre et de chanter, amour, castagnette et tango, olé! Paris nous invite aux arbres le plus caressant. Viens prendre mes lèvres avec la rose de leur sang dans les soupirs et les frissons. L'amour mène le bal au rythme infernal de désir international. Yo te quiero, chérie, je t'aime. Kiss me, my love. Quel est ton nom et d'où tu viens? Ne me dis rien, ne pense à rien. Laisse mon cœur avec le tien. Amour, castagnette et tango, olé. Quand le jour viendra frapper aux portes de la nuit, tu disparaîtras sans doute à jamais de ma vie, mais pour garder toujours à moi la chaleur de ton corps. Avant ton adieu, embrassons-nous plus fort encore. Yo te quiero, chérie, je t'aime. Kiss me, my love. Amour, amour, tu m'appartiens. Ton corps blotti contre le mien. Dansons tous deux jusqu'au matin. Amour, castagnette et tango. Olé. Les baladins qui serpentent les routes viennent de loin parmi les champs de blé. Les bonnes gens regardent et les écoutent, et les étoiles leur parlent de danser. Les vieux châteaux dressés du fond du Moyen-Âge semblent guider leurs pas légers comme un matin. Et parmi les donjons perchés dans les nuages, des princesses leur font des signes avec les mains. Mais les gars de 20 ans qui ressemblent à des dieux, insouciants et joyeux, parmi leurs rondes folles, passent sous les donjons sans dire une parole. Ils ne regardent pas, les bras tendus vers eux, dans ce nom joli baladin. C'est la balade, dans ce don, joli baladin. c'est la balade d'Arlequin. Ces baladins qui serpentent les routes, mais qui sont-ils donc dans leur costume d'or, des vagabonds ou des dieux en déroute? Ils n'ont que des chansons pour seul trésor. Quand ils n'auront plus soif, ayant bu à la brume, ils danseront pieds nus sur des fils argentés que 5000 araignées tisseront sous la lune d'une branche de houx. Jusqu'au sapin gelé, ils sont accompagnés dans leur ronde divine par les enfants des rois aux longs cheveux bouclés. C'est un cortège bleu de 1000 mandolines où flottent un peu partout des voiles de mariée. C'est ainsi que l'on vit le plus grand mariage de la fille du vent avec un arlequin. Mais tout cela n'était qu'un fragile mirage, et je reste tout seul avec mes lendemains. Oui, les baladins, vous partez. Emmenez-moi. Et puis là, bien sûr, on va terminer avec le Paul Apollinaire, la valse des regrets et le petit bal du samedi soir. Aider son copain Marc-Antoine Blancpain qui tient un bal populaire. Le charron Apollinaire joue de la limonaire pour son pain et son vin. Le charron Apollinaire aux sourcils de tonnerre qui porte sous son bras son abracadabra moustachu débonnaire, mais un peu fier à bras. Il joue jusqu'à l'aurore, trapu jamais lassé. Les gars disent encore, la fille dit assez. Si l'amour vous dévore, au diable le passé. La polka, le quadrille, au ciel s'en vont mourir. Quand faiblissent les filles, qui peut les secourir? Aux fraîcheurs des charmilles, rien ne sert de courir. Le charron Apollinaire, lui, il tourne toujours, la la la la la la la, pour les remparts de pierre, les années et les jours, la la la la la la la, la la la la la la, la la la la la la, la la la la la la la. Abaissez les paupières, il va passer l'amour. La la la la la la la, il a passé l'amour. De la nuit, au clair de lune, j'ai mis la brise fait de son archet chant.

Tu sais bien que je t'adore. Tu voudrais tout simplement que j'efface de ta route le moindre des souvenirs. Mais je doute que mon cœur puisse à jamais guérir. Laisse-moi rien qu'un soir, mon beau rêve. Lorsqu'on vit d'un espoir, l'heure est brève. Tu vois, je suis sincère et pourtant tu te ris de mes désirs d'amant. Redis-moi cependant ce mensonge, le seul mot que je voudrais toujours t'entendre murmurer mon amour jusqu'au jour où s'achève mon rêve d'un soir. Après toutes les folies, pour un dernier rendez-vous, tu viendras lorsque la vie t'aura meurtri de ses coups. Tu retrouveras, et oui, toujours le même, toujours ce cœur qui ne t'oublie pas et qui t'aime, en te le murmurant tout bas, tout bas. Redis-moi cependant ce mensonge, le seul mot que je voudrais toujours t'entendre murmurer mon amour jusqu'au jour où s'achève mon rêve d'un soir, où s'achève mon rêve d'un soir. Il est né, le divin enfant. Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Il y a que quelques heures à attendre, car les rois mages, eux, sont en marche, la marche des rois mages. Chantons tous son avènement.

sourit à l'enfant si aimable et si beau, entouré quelques tendres agneaux. Tino Rossi, le Noël des enfants oubliés. Et nous irons après faire une petite promenade en traîneau.

Ensemble. Noël ensemble. Nous on veut l'amour, rien de plus, rien de moins. Pour les cœurs trop lourds, de détresse, de chagrin. Nous on veut l'amour, pour toujours. Prends ma main, on a tous besoin d'amour. Rien de plus, rien de moins. Chrétien, mon plus beau Noël, et on termine avec Mario Pelcha, Noël à Jérusalem. À vous tous, les amis qui êtes fidèles à Sorgia FM, je vous souhaite un joyeux Noël ainsi qu'à tous vos proches. Que ces étoiles qui brilleront dans cette nuit magique vous apportent tout le bonheur du monde. Joyeux Noël à toutes et à tous. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tache originelle et de son père arrêter-le. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Le Rédempteur a brisé tout